sport professionnel revient petit à petit. En fin de semaine, c'est le début, le deuxième début de la saison de NASCAR après une pause due au COVID-19. Et évidemment, on va parler avec Raphaël Lessard, puisqu'il va courir très très bientôt en camionnette, la série de l'antichambre de NASCAR. Salut Raphaël! Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Raphaël, comment t'as trouvé ça quand même arrêté pendant quoi? 2 mois facile? Ça doit être assez difficile pour un pilote de bien garder focus. Oui, disons que c'est très dur. Mais au moins, de nos jours, avec la technologie, on peut pratiquer sur des simulateurs. Il y a un jeu qui est iRacing, qu'on peut faire des courses virtuelles contre d'autres mondes. Ça nous garde dans le game quand même assez bien. Mais c'est pas pareil comme la vraie vie, tu sais. C'est dur pour ça, mais j'essaie de regarder des vidéos, d'utiliser des vidéos le plus possible. Je m'entraîne physiquement pour garder la forme, pour être encore plus prêt, mais que ça recommence. OK. L'iRacing, je t'ai entendu une autre antenne mentionner que c'est très, très proche de la réalité, hein? Oui, c'est quand même assez proche de la réalité. Disons que c'est le jeu de simulation qui se rapproche le plus de la réalité, ça c'est sûr. OK. Si on parlait un peu de. Pendant ces 2 mois-là également, est-ce qu'on a gardé la forme du côté physique? C'est à peu près juste ça qu'on est capable de faire en réalité? Oui, ben disons que je pense que je suis rendu plus en forme que j'ai jamais été. Là, j'ai dit tant qu'à être pris à la maison, puis le gym était fermé, mais j'avais encore plus le temps de m'entraîner que d'habitude. Fait que je m'entraînais à la maison, j'allais courir. Donc j'arrêtais pas, c'était à tous les jours, puis mon entraîneur, il m'envoyait des programmes pour la maison, fait que ça l'aidait beaucoup, puis on s'est gardé en forme le plus possible pour être capable d'être une coche au-dessus des autres, mais que ça recommence. Oui, si on parlait un peu du côté de l'entraînement et ainsi de suite. Le fait qu'il y a plusieurs courses, je pense que c'est 7 courses en 11 jours qu'on va avoir en NASCAR. Je sais pas si c'est en Monster Energy, mais est-ce que c'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup. Disons qu'il va y avoir les Xfinity, les Monster Energy, les petits cups qu'on nous autres, c'est le 26. Puis il y en a qui font les deux. Comme des fois, je pense à du monde qui font la Xfinity, puis des fois, ils font la Monster Energy aussi. Mais ils vont être très occupés. Mais moi, comme c'est juste le 26, pas de pratique, pas de qualification, ça va être assez intéressant parce que je suis jamais allé à ces pistes-là, comme la piste à Charlotte. J'ai jamais été, j'ai jamais couru là. Ouais. Fait que ça va être spécial. Disons qu'il va falloir que j'étudie en masse pour être prêt, mais que le drapeau vert tombe. Ben, c'est sûr. Mais le fait que il y a même pas de. Il n'y aura même pas, je pense, d'essai, hein? Comme à Charlotte, ou c'est direct à la course, je pense, hein? Ouais, pas de pratique, pas de qualification, direct à la course. Ça va être assez quelque chose, jamais été là, fait que ça va être toute une expérience. C'est le simulateur, c'est là que ça prend toute son expérience, hein? Ou encore son... c'est sûr, c'est là qu'il faut utiliser le simulateur le plus possible, mais encore là, c'est pas... Pareil à la réalité, mais ça donne une très bonne chance pour quand on arrive avec des situations comme ça. Dans la vraie vie, la crise du COVID a fait en sorte qu'on a pris beaucoup, beaucoup de mesures. Il y a des entreprises qui donnent des mesures à ses employés. Est-ce qu'en NASCAR, on a vu ça aussi? Oui, en NASCAR, disons que pour revenir en compétition, NASCAR ont dû prendre des protocoles puis plein de choses que pour être sûr d'être en règle puis que personne attrape ce virus là, tu sais. Il y a des équipes qui vont être il y a plusieurs équipes qui vont il va falloir qu'il y ait moins de monde à la piste, comme ça va être juste les personnes nécessaires qui vont être là. Pas de pratique, pas de qualification, ce qui veut dire que on va arriver puis on va rester beaucoup moins de temps à piste. Ça va être juste pour la course, fait qu'il va y avoir moins de monde autour, pas de spectateurs, sans spectateurs, ça va juste être à la télévision. Fait que ça va être spécial, là. Disons que NASCAR, ils prennent des bonnes décisions pour être sûr que tout se passe bien. Comment tu vois ça à huis clos et ainsi de suite? Comment que je vois ça? Quoi? À huis clos, les courses à huis clos, sans spectateurs, tout ça. Est-ce que. Oh, sans spectateurs, ça. Disons que c'est sûr qu'il va y avoir une ambiance assez spéciale avant qu'on rentre dans la camionnette. Mais je te dirais que quand on roule à ces vitesses-là, on voit pas ben les spectateurs. On les voit, mais tu sais, quand on est dans notre bulle, ben on se concentre juste sur la piste puis qu'est-ce qu'on fait. Okay. Mais disons que je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde qui vont regarder à la télévision. Ben, c'est sûr, surtout que vous êtes les seuls, en fait. Ben, Raphaël, comment tu vois la fin de la saison? Est-ce que ça avait quand même bien été les deux premières courses? Il y avait une fois que t'avais pas, t'avais eu un accident en début de course, ça t'avait nuit pour le restant. Mais comment tu vois ça pour le restant de l'année? Ben, j'ai appris beaucoup les deux premières courses. Ouais. Mon premier Super Speedway, après ça, ma première piste de 1,5 000. C'était toutes des affaires nouvelles, puis on a montré qu'on avait beaucoup de rapidité. Puis je pense qu'on est capable de compétitionner pour des victoires. Puis le but, c'est toujours de gagner. Mais comme Charlotte, ça va être aussi la première course avec notre nouveau partenaire qui est Kanak. Ouais. On va avoir les couleurs de Kanak à Charlotte. Ça va être... j'ai vraiment hâte. La camionnette est très, très jolie. Je l'ai vue, là. Puis c'est très, très beau, les couleurs de Kanak. C'est sûr qu'on espère... avoir des bons résultats pour représenter nos partenaires le mieux possible. Mobile One, Toyota, JBL, FRL Express, tout le monde qui nous supporte. Parce que c'est sûr que dans ces temps difficiles comme ça, les compagnies ils trouvent ça difficile aussi. Fait que si on peut leur donner une bonne visibilité puis leur faire avoir du plaisir aussi, ben ça va être bien correct, ça. Ben, Raphaël, on va s'en reparler sûrement durant l'année. Parfait, ça! Le pilote de NASCAR en camionnette, Raphaël Lessard.